Les nuits de France Culture. De nouveau, bonsoir Alex Baupin. Bonsoir Alban. Nous nous retrouvons pour la suite de votre nuit rêvée sur France Culture. Alex Baupin. On écoute la balade numéro 1 en sol mineur de Frédéric Chopin et qui est interprétée par Samson François. Ça me fait plaisir que ça soit Samson François parce que le premier disque, double disque de valse et balade de Chopin que j'ai eu, je crois que c'est mon père qui me l'avait offert. En l'occurrence, c'était un disque de Samson François, interprété par Samson François. Et donc, je l'ai beaucoup écouté ces versions-là. Voilà. Et cette balade-là, je ne l'ai jamais jouée parce qu'elle est beaucoup trop compliquée à jouer pour moi, mais j'en ai joué un peu du Chopin quand même. Comment s'est faite votre éducation musicale, Alex Baupin ? J'avais une mère qui chantait, qui jouait du piano, de la guitare, de l'accordéon, de la flûte à bec, c'était les années 70, qui jouait un peu de tout, pas très bien, mais correctement, et qui très tôt nous a mis, ma sœur, mon petit frère et moi, à la chorale, et au piano, enfin un instrument de musique, ma sœur et moi au piano, et mon petit frère à la guitare. Donc j'ai fait de mes 7 ans à mes 16 ans, 9 ans de piano, pas au conservatoire, étrangement, alors que c'était quand même un établissement d'enseignement public. Mes parents considéraient que c'était très bourgeois d'aller au conservatoire et donc on avait des profs particuliers de piano, ce qui est encore plus bourgeois quand on y réfléchit, mais voilà. J'ai eu deux profs différents, particuliers de piano, Madame Lavocat et Madame Guillaume. Madame Guillaume était plus gentille que Madame Lavocat. Et voilà, mais après, moi, j'ai été un musicien, un apprenti musicien, très fainéant et très paresseux quand même. Hélas, je le regrette aujourd'hui, mais c'est bien que je me sois mis à faire de la chanson plutôt que de la musique classique, je pense. Enfant, avez-vous souffert parfois sur le piano et les partitions ? Avez-vous eu parfois envie de prendre la tangente ? Oui, je l'ai fait d'ailleurs. À 16 ans, j'ai arrêté, hein, tout simplement. C'est-à-dire que je crois que c'est à 15-16 ans que ça se décide en réalité. C'est là qu'on voit les gens qui vont continuer dans cette voie de musicien classique et puis ceux qui, par paresse, moi je trouve ça plus intéressant d'aller fumer des clopes puisque je commençais à en fumer et boire des coups avec mes copains que de suer sur mon piano justement. Donc non, à partir du moment où c'est devenu compliqué, où il a fallu faire un choix, en tout cas je l'ai fait et assez rapidement quoi. J'ai pas été très persévérant de ce point de vue-là. Je m'en veux Et en même temps, j'ai toujours été persuadé que pour écrire de la chanson, il ne fallait pas être trop savant. C'est peut-être une excuse que je me donne, mais je pense que c'est vrai quand même. Mais à votre avis, autorisé de musicien, faut-il encourager, voire obliger un enfant qui semble avoir pour cela quelques dispositions, à recevoir un enseignement musical, à apprendre un instrument, le solfège ? C'est compliqué comme question. Moi, je suis très heureux que mes parents l'aient fait, mais encouragé, un peu poussé parfois, parce que ça me permet aujourd'hui de faire ce métier qui est le mien, d'écrire des chansons et de faire de la musique de film. Après, j'ai pas d'enfant, alors c'est toujours compliqué pour moi de donner un avis sur l'éducation des enfants. Je trouve que je suis bien mal placé. Mais oui, mais moi, je pense que tout ce qui est de l'ordre du savoir, de la culture, de la pratique musicale, ou voilà, c'est... En fait, je crois que tout ce qui est de l'ordre du loisir, c'est très important d'encourager les enfants à faire des choses autre chose que l'école, quoi. Et en même temps, je pense que les enfants doivent s'ennuyer aussi, c'est leur fonction, c'est important que les enfants s'ennuient. Entre l'école et le piano, mais sans smartphone, vous restait-il de la place, du temps pour la lecture des bandes dessinées ? Énormément. Mais mes parents étaient des grands lecteurs de bandes dessinées. Mes parents avaient... Il y avait une bibliothèque de livres chez nous, puis il y avait aussi une bibliothèque de bandes dessinées. Mes parents en ont acheté, alors... Eux achetaient les... C'était vraiment les classiques, en l'occurrence, c'est-à-dire, bien sûr, Tintin, Blake Mortimer, Astérix, etc. Toute la bande dessinée franco-belge classique, on l'avait à la maison. Et c'était... Oui, bien sûr, c'est une culture... C'est resté très important pour moi, la bande dessinée. J'en ai lu longtemps, je continue à en lire. J'ai eu une bibliothèque de bande dessinée. Je sais pas, je devais avoir quelque chose comme 600 ouvrages à un moment donné. Puis j'ai tout vendu parce que j'avais plus d'argent chez Gibert. À Paris, on vend des choses d'occasion chez Gibert. Et je regrette infiniment aujourd'hui parce que j'avais le choix entre vendre ça ou mes disques. Et je me suis dit, non, les CD, ça c'est un support qui va jamais disparaître. Et maintenant que dans 2 ans, il n'y en a plus, je regrette infiniment d'avoir fait ça. Alors, Ouba Ouba, Alex Baupin, c'est avec le dessinateur André Franquin que s'ouvrira cette deuxième partie de votre nuit rêvée. Auriez-vous été, dans votre enfance, davantage Spirou que Tintin ou Pilote ? En fait, oui, j'étais surtout très Gaston, je crois. Il y avait quelque chose dans Gaston. Moi, je pense que Franquin est un génie de la bande dessinée. C'est un génie graphique, déjà. C'est quelqu'un qui dessine de façon extraordinaire. Et puis, moi, je suis assez fasciné par les dessinateurs de ces époques-là. C'est des gens qui travaillaient énormément, qui étaient très alcooliques, très alcoolo-tabagiques. Il y avait quelque chose chez eux. Ces gars qui faisaient en disant qu'ils étaient constamment en retard, c'est vrai. C'est des gens qui travaillaient. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, c'est le cas de Peyot, qui a fait les Schtroumpfs, sont morts d'un arrêt cardiaque ou de problèmes cardiovasculaires parce qu'ils ont d'épuisement, en réalité. On ne sait pas ces choses-là. Ça semble très anodin, la bande dessinée, mais c'est des gens qui ont énormément travaillé. Et puis, il y a chez Franquin cette apparition dans les années 60, au tout début des années 60, je crois, de Gaston, qui est le premier anti-héros et qui est l'apparition d'une bande dessinée comique moderne, en réalité. Moi, je crois que tout vient de là. J'aime bien les choses des origines, quoi. Le vrai génie, à un moment donné, c'est Franquin qui dit, ben tiens, au milieu, comme ça, d'un bureau, d'une rédaction qui est celle de Spirou, donc il y a déjà cette idée qu'on va faire une mise en abîme de la rédaction, d'un journal en rédaction, etc. Il y a ce anti-héros qui apparaît. Et je trouve que c'est un trait de génie parce qu'il préfigure tout ce que la bande dessinée comique moderne va apporter ensuite. Ça m'épate. Mais tout de même, Gaston est-il véritablement un personnage auquel on peut s'identifier ? Moi, oui. Non, mais en tout cas, moi, vous savez, j'ai choisi d'être chanteur aussi en partie. Je voulais faire de la musique parce que je me disais, si on est indépendant, on peut choisir ses horaires. Et moi, par exemple, mais déjà, quand je faisais mes études ou quand j'étais à l'école, je déteste me lever le matin. Alors maintenant, je suis plus vieux, alors vers 8h30, 9h, j'ai les yeux qui s'ouvrent quand même, parce que quand on est vieux, on se réveille le matin. Mais oui, ne serait-ce que dans son désir de faire la sieste, je comprends très très bien Gaston. Puis Gaston, c'est à la fois un antisystème et quelqu'un qui a raison, quoi. Gaston, cette personne qui aujourd'hui nous dirait « Non mais les enfants, vous rendez bien compte que cette histoire de croissance, ça va pas, c'est ça qu'entraîne la fin du monde. » Ce qui est terrible avec Gaston, et de temps en temps, même Fantasio et Prunelle, qui sont ses chefs, en eux-mêmes, il y a, vous savez, ces bulles qui sont des bulles de pensée où ils disent « c'est terrible, mais il a raison ». Parce qu'il a toujours raison, Gaston, au bout du compte. Après la bande dessinée, c'est avec le cinéma que se prolongera votre programme. Avec Léos Carax d'abord et Maurice Pialat ensuite. On entendra Léos Carax en 1984, répondant, si l'on peut dire, aux questions de Claude Jean-Philippe et Caroline Champetier. C'était pour son premier film « Boy Meets Girl ». En 84, Alex Baupin, vous n'étiez encore qu'un bambin. Mmh. Avez-vous néanmoins une idée de ce que fut l'apparition de Léos Carax dans le cinéma français de ces années-là ? Non, j'en ai une idée rétrospective en réalité. Moi, le premier film de Carax que j'ai découvert, je l'ai découvert à la télévision et c'est Mauvais Sang, avant la sortie en 89 ou 90 des Amants du Pont Neuf, 91 peut-être les Amants du Pont Neuf, la sortie. Voilà, j'en ai une idée rétrospective, mais une idée très forte parce que il y a pas tellement d'entretiens de Carax en fait, c'est très difficile à trouver. Je suis content que vous en ayez trouvé un à la radio, mais un entretien assez singulier tout de même. En plus, oui, comme on va l'entendre, il a un petit magnétophone, il veut pas trop parler, puis en même temps il dit énormément de choses sans parler. Carax, en fait, chez Carax il y a une figure de l'artiste, et pour moi c'est pas un poseur. Pour moi, Carax, c'est vraiment un artiste dans le sens, je crois que j'aime tous ses films. Je crois qu'il y a des films de lui que j'ai tellement aimé ça, Carax, quand j'étais jeune. Je me suis pas identifié, mais j'ai pensé que c'était vraiment le cinéaste de notre génération. Quand il a sorti Les Amants du Pont Neuf, je suis allé voir 3 ou 4 fois d'affilée Les Amants du Pont Neuf. C'est un film que je refuse de voir aujourd'hui parce que j'ai peur de la déception que ça pourrait. Peut-être que c'est très mauvais, Les Amants du Pont Neuf, mais j'ai toujours refusé de le revoir parce que ça m'a beaucoup marqué. Et quand je l'entends là dans l'entretien que vous avez trouvé, merci beaucoup de l'avoir trouvé parce que c'est formidable de l'entendre. Il a un sens comme ça du raccourci, de l'aphorisme qui évidemment le rapproche inévitablement d'un Jean-Luc Godard. Et voilà, c'est peut-être ce qui a le moins vieilli dans les cinéastes des années 80 qui des fois ont... Il y a des choses terribles et un peu dispensables quand même dans les gens qui sont apparus à ce moment-là. Et lui, je trouve qu'il reste chez lui. Même Holly Motors, ça m'avait ébloui. Voilà, il y a quelque chose chez Carax. Puis son personnage, espèce de type là qui a tout le temps mal au ventre, qui a des problèmes, puis qui en même temps il est encore là, et puis tous les 5 ans il fait un film, puis c'est difficile de faire un film pour lui, puis il le fait quand même. Enfin, j'avais beaucoup aimé Paula X aussi. Enfin, je crois que c'est un artiste comme je l'imagine, les Oscars. Enfin, c'est la figure de l'artiste pour moi, les Oscars, voilà. Et on parlait tout à l'heure de rigolade, ou voilà, et on pourrait beaucoup rire de ça, de la façon qu'il a d'être artiste, d'être un peu renfermé dans ce truc-là, voilà, on pourrait ironiser là-dessus très longtemps, mais moi, c'est très premier degré l'affection, voilà, c'est de l'ordre de l'affection que j'ai pour ce personnage-là. Le cinéma de Carax, ses 3 premiers films, Boy Meets Girl, Mauvais Sang et Les Amants du Pont Neuf, que disait-il des années 80? Que vous ont-ils raconté de la génération qui précédait la vôtre de 15 ou 20 ans? Moi, je crois qu'il racontait que ça y est, qu'on était arrivé à la postmodernité. C'est-à-dire qu'il y a... Et on peut retrouver ça chez d'autres cinéastes que je trouverais personnellement plus dispensables, mais il y a chez Carax, dans Mauvais Sang notamment, une espèce... Il y a déjà l'idée du remix, en fait. La postmodernité, c'est peut-être ça. C'est peut-être se dire que tout a été dit. Comment on peut le redire? En se réservant de ce qui a été dit. Voilà. C'est l'idée du sample en musique, par exemple. Et chez Carax, il y a cette fameuse scène où il fait courir Denis Lavant sur une musique de Bowie qui est Modern Love. Il utilise en même temps une radio qui a un poste TSF. Et puis, il y a aussi des allusions dans Mauvais Sang à Tintin et Objectif Lune. Enfin, voilà. C'est comment on utilise l'ensemble de la pop culture pour essayer de raconter quelque chose aujourd'hui. C'est ce qu'il fait dans Holly Motors aussi, d'ailleurs, dans son dernier film. On revoit... Il y a des choses qui nous font penser aux Yeux sans visage. Il y a 10 films dans Holly Motors qui sont 10 films différents qu'il aurait pu faire au lieu de faire celui-là, et qui sont 10 films qui sont des films qui viennent de ceux qu'il a regardés. Donc voilà, il y a quelque chose de très postmoderne chez Carax qui ne l'empêche pas de parler de quelque chose qui doit s'appeler l'amour, en fait. Je pense que la seule préoccupation de Carax, et c'est la mienne quand j'écris des chansons, donc je la comprends, c'est une préoccupation sentimentale. Il y a toujours une histoire sentimentale dans Carax. C'est le cas dans Boy Meets Girl, il suffit de voir le titre. C'est le cas dans Mauvais Sang, c'est évidemment le cas dans Les Amants du Pont Neuf, c'est le cas dans tous ses films en fait. Ce qui l'intéresse, Carax, il l'a dit dans son premier film, c'est un garçon rencontre une fille rencontre un garçon. Alors, après ça peut être un garçon, une fille rencontre une fille, si on veut être dans des choses moins genrées, puisqu'aujourd'hui c'est ça qu'il faut faire et tant mieux. Mais c'est ça en fait, moi je trouve que, en fait ce qui me plaît profondément chez lui, c'est que c'est un sentimental. Et on peut peut-être dire qu'il y avait aussi chez lui le sentiment d'urgence mêlé à celui d'arriver après toutes les bagarres. Croyez-vous que c'est un sentiment éprouvé par toute nouvelle génération de créateurs? Et est-ce que c'est un sentiment que vous avez vous-même éprouvé? Peut-être, en tout cas, j'ai eu l'idée à un moment donné qu'effectivement, vous parlez d'arriver après toutes les bagarres. Moi, j'ai senti très profondément que ma génération, qui vient après celle de Carax, évidemment, que la génération suivante, et qu'on a appelé la bof génération d'ailleurs, était la génération de la désillusion. Donc ça provoquait pas chez moi une urgence en tant que créateur, mais ça provoquait une idée Ça provoquait l'idée qu'il fallait lutter contre un découragement qui était lié au fait que tout avait été fait, que tout avait été dit, que les révolutions, qu'elles soient politiques ou esthétiques, elles avaient été tentées, qu'elles avaient échoué. Voilà. Et donc comment on fait quand on arrive après tout le monde et qu'en plus nos aînés nous disent « Ah bah oui, mais nous les enfants on faisait la révolution » et que nous on arrive en leur disant « Ben nous c'est le chômage et le sida quoi, en gros, voilà, si tu es ma génération, on est un peu là-dedans. » Et ben on lutte contre le découragement, c'est une vraie bagarre ça aussi je crois, oui. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins, il s'en fait des manteaux. On ne le sait pas forcément, mais les paroles de Quelqu'un m'a dit, de Carla Bruni, c'est Léos Carax qui les a écrites. Puis il avait fait le clip. Il y a un clip en plan séquence, je crois, d'elle, qui était très beau. Oui, parce que les gens de cette génération sont aussi des touche-à-tout, c'est des gens qui... C'est vraiment c'est l'arrivée avec ces gens-là de gens qui s'inscrivent dans la pop culture, en réalité. Et qui sont capables de faire des vrais films de pop culture. Alors moi, ça me plaisait profondément chez lui. Et donc, la pop culture, ça veut dire aussi toucher à la chanson, toucher à plein de choses comme ça. Et en même temps, il y a une vraie tradition de cinéastes qui écrivaient des chansons. Enfin, après tout, Jean Renoir avait écrit La Complainte de la Butte. Hein, et ils étaient quelques-uns à avoir un peu écrit des chansons qui n'étaient pas dégoûtantes en plus. Après Léos Carax, nous resterons dans le cinéma, mais pas vraiment dans la pop culture, avec Maurice Pialat, que nous entendrons en 1969 à propos de son premier long métrage, L'enfance nue. Avec le cinéma de Pialat, on est aux antipodes de celui de Carax, pour lequel d'ailleurs Pialat n'a pas eu des mots très tendres. Carax-Pialat, Alex Baupin, c'est un peu le grand écart. Oui, je ne savais pas que Pialat, ça ne m'étonne pas, de toute façon, de qui n'a-t-il pas dit de mal, Maurice Pialat. C'est plutôt ça la question qu'il faudrait... Enfin, duquel de ses contemporains, parce que je pense que les morts sont toujours des gens formés, enfin, voilà, mais duquel de son contemporain n'a-t-il pas dit de mal, Pialat, je pense qu'ils sont très très peu nombreux. C'est le grand écart, oui. Et en même temps, il y a une radicalité chez l'un comme chez l'autre qui s'exprime de façon totalement différente. Enfin, en tout cas, dans des formes, dans des styles totalement différents. Et en même temps, il y a une radicalité chez l'un et chez l'autre qui m'a beaucoup touché. Surtout pour un garçon comme moi qui suis pas un radical finalement dans ce que je fais. En fait, je crois que je suis beaucoup touché par ces gens parce que moi, finalement, je suis pas mou, mais je suis un petit social-démocrate, quoi. Voilà. Donc, je suis un peu plus centriste que ces gens-là dans ce que je propose. Et puis là, il y avait, moi, chez Pialat, c'est les films, bien sûr. Moi, le premier film qui m'a impressionné de Pialat, c'était À nos amours, que j'ai vu assez jeune. Et qui est un film qui m'a absolument ébloui dans ce qu'on peut proposer, dans la façon dont on peut proposer une vérité au cinéma, mais qui n'est pas de l'ordre du naturalisme. Voilà. C'est ça qui me plaisait chez Pialat. C'est que, il y a beaucoup d'héritiers de Pialat après qui viennent dans les années 90, 2000, mais qui n'ont pas compris ce truc-là, c'est que ça reste du cinéma quand même, Pialat. On n'est pas dans du cinéma vérité, en fait. Il le dit, je crois, à un moment donné dans cet entretien, d'ailleurs. Il dit, ce que je fais dès le début, là, dans L'enfance nue, ça n'a rien à voir avec le cinéma vérité. Et il est beau, votre entretien, d'ailleurs, parce que, on va voir, il est très jeune, donc il a peut-être la voix plus douce. Il a déjà 43 ans, je crois, mais il a commencé... Jeune cinéaste. Oui, bien sûr, jeune cinéaste, ouais. Il a la voix plus douce qu'il ne l'aura plus tard, mais il est déjà très énervé contre plein de choses. Il parle de son équipe technique et on sent qu'il est infiniment agacé par ses techniciens et il dit que son prochain film, ce sera un film sur le cinéma où il racontera tous les problèmes qu'il y a là-dedans. Enfin, il y a un côté Papy Ronchon que j'aime bien aussi chez Pialat, je crois. Oui, parce qu'avant de faire du cinéma, on le sait, Pialat avait été peintre. Il a toujours eu ou exprimé une sorte de répugnance par rapport au cinéma. Du cinéma, Pialat disait par exemple qu'il n'avait jamais fait de progrès, que le premier film, La sortie des usines Lumière, était le meilleur, qu'il y avait déjà tout, que c'était une révélation et qu'après la révélation, il n'y avait plus rien. Oui, non mais ça c'est... Je pense qu'il y a un vrai parallèle à établir à ce moment-là entre Pialat et Gainsbourg aussi. Une espèce de vocation de peintre. J'imagine qu'il plaçait la peinture au-dessus de tout et de considérer quelque part, de la même façon que Gainsbourg considérait que la chanson était un art mineur, il devait considérer que pareil, le cinéma était un art mineur. Après, tout ça, c'est de la pause, parce que pourquoi s'esquinter la santé, parce que c'en est arrivé là vers la fin, à vouloir faire des films si on aime tellement pas ça. Enfin, moi, ces poses-là m'émeuvent un peu, parce que, pareil, j'ai de la tendresse pour ce genre de personnage, mais on sent bien qu'il y a derrière tout ça. Et puis, chez Pialat aussi, il y a une vraie frustration, une vraie aigreur par rapport à la nouvelle vague, le vrai aigreur d'être arrivé tard, d'avoir eu du succès tard aussi, d'avoir vu les petits camarades réussir plus que lui, des gens dont il estimait peut-être qu'ils étaient moins talentueux. Alors qu'en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il y avait de la confraternité autour de Pialat, parce que là, on entend, il n'est pas encore cinéaste, mais on entend dans votre archive Tavernier, qu'attaché de presse, qui fait des éloges de son film, et même Chabrol oui. Qui déboule à la fin pour dire tout le bien qu'il pense de l'enfance nue. Donc c'était vraiment pas un sale type, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a ce côté Il y a cette aigreur chez lui, comme ça, cette acrimonie, en tout cas, cette violence, qui n'a jamais été aussi bien exprimée, à mon avis, que dans ce film qui s'appelle « Nous ne vieillirons pas ensemble », qui est peut-être le plus bel autoportrait de Piala qu'il ait fait, en fait, avec Van Gogh, d'une autre façon. Et donc, il y a ça chez lui qui me plaît, en fait, cette mauvaise foi, voilà. Espèce de mauvaise foi absolue qui me plaît beaucoup. C'est pas vrai qu'il n'aime pas le cinéma et qu'il trouve que c'est si mauvais. Sinon, il ne serait pas tué à en faire du cinéma. Piala, vous l'avez dit, c'est donc toute une légende autour d'épisodes de tournage homériques. La tension, parfois, souvent, avec les comédiens, les techniciens. Comprenez-vous, croyez-vous que la tension soit parfois nécessaire à un travail de création qui se fait en équipe? En ce qui me concerne, non. Moi, j'ai toujours refusé de travailler dans le conflit. Je le refuse peut-être même de façon conflictuelle. Des fois, mais je dis non, là, on arrête. Pour moi, c'est pas possible. Je ne peux travailler que dans des relations de respect, d'affection parfois, mais je travaille extrêmement mal dans le conflit et je suis parfois... Alors, il y a des gens qui ont besoin de ça, alors Piala en avait besoin très bien, mais je suis parfois énervé par l'espèce de pause que ça peut être pour certains artistes ou l'espèce de légende qu'il y a autour de ça, de se dire il faut forcément que ça se passe mal pour que ça donne quelque chose de bien. Voilà. Moi, j'écris des chansons et il se passe... que des choses terribles, et ben pour écrire ces chansons-là, j'ai besoin d'être entouré de gens chez qui je ressens au minimum du respect, au maximum de l'admiration, voilà, ou de l'affection. Donc non, moi je comprends pas le travail dans le conflit. Mais ça veut pas dire que je le rejette, que je pense qu'il y a des gens pour qui c'est la seule méthode de travail, et je les plains, beaucoup. Comme Truffaut l'a été, Piala c'est également l'acteur magnifique de certains de ses films, dans le, Sous le soleil de Satan, et peut-être surtout dans À nos amours. Moi, il est extraordinaire dans À nos amours. Il est extra... J'avais dans une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Van Gogh, j'avais repris la façon dont Piala parle de Van Gogh dans À nos amours, quand il déboule dans une scène de déjeuner. Alors, quand on connaît l'histoire du tournage, en fait, son personnage est censé être mort à ce moment-là. Et son arrivée devant les caméras est une stupéfaction pour les acteurs. Donc il y a vraiment une... Qui ne sont pas au courant du tout. Qui ne sont pas au courant de ce qu'il va dire, de ce qu'il va faire. Et donc il y a un effet de surprise et voilà, quelque chose comme ça qui est de l'ordre du tournage à la Piala, quoi, très clairement. Et au milieu de tout ça, avec... C'est ça, Piala, en fait. C'est cette espèce de... Voilà, à la fois il déboule pour bousculer ses acteurs, et au milieu de tout ça, il a une espèce de tirade sur Van Gogh. Et il rappelle les derniers mots de Van Gogh qui étaient « La tristesse durera toujours ». Et il dit que tout le monde a toujours cru que c'est parce que Van Gogh était triste, mais que se disait Van Gogh, c'était que c'était le monde autour de lui qui était triste, que lui était très heureux, qu'il était artiste et qu'il faisait des choses qui lui plaisaient. Et il finit en disant, c'est vous qui êtes triste, c'est les autres qui sont tristes. Et je trouve ça très beau. Il y a une grande mélancolie dans le cinéma de Piala, une mélancolie que l'on pourrait qualifier de française. Oui, sans doute. Oui, bien évidemment. Et une mélancolie à la fois très française et très très sociale, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que sans jamais vouloir avoir... Il a jamais voulu faire du cinéma social, en réalité, Piala, mais il y a toujours... Il suffit de voir L'enfance nue ou La gueule ouverte. Il y a toujours la description d'un milieu chez Piala, en fait. Et il y a toujours la tristesse... ou Loulou même, qui raconte l'histoire d'une bourgeoise qui sait prendre un loulou, en quelque sorte. Mais il y a toujours la mélancolie liée au milieu, et ça je comprends très bien. Moi j'ai sans doute encore en moi la mélancolie de la classe moyenne provinciale, quoi. Et on a tous une mélancolie liée à notre milieu, c'est très beau chez Piala parce qu'il réussit à exprimer ce truc-là. La musique n'occupe pas forcément une place importante dans le cinéma de Piala, même si ici ou là il y a des moments de musique sublimes, comme avec Klaus Nomi chantant Purcell dans À nos amours. Avant de devenir vous-même musicien pour le cinéma, étiez-vous particulièrement sensible et intéressé par la place de la musique dans les films? Oui, et très tôt. J'ai encore en tête des musiques de films, des films que je voyais à la télévision, par exemple, mais même des musiques de films hollywoodiens qu'on pouvait voir dans la dernière séance présentée par Eddie Mitchell. J'ai encore en tête des mélodies dont je ne sais pas d'où elles viennent. Très tôt, ça a été un élément qui me plaisait, que j'ai remarqué, quoi, voilà. C'était quelque chose de remarquable pour moi, la musique dans les films. Et puis après, évidemment, c'est quand on regarde, je sais pas, à 15 ans, quand tout d'un coup je regarde Le Mépris, que j'entends la musique de Delerue, ou que je découvre Il était une fois en Amérique, et que j'entends la musique de Morricone, où là je comprends que non seulement ça me marque, mais qu'en plus ça peut être des œuvres absolument géniales, ouais, de l'ordre du génie, je pense. Quels sont les musiciens de cinéma qui sont pour vous des références? Oh ben, Il y en a beaucoup, mais fatalement, je l'ai cité, mais en France, il y a Delerue et puis Legrand. C'est compliqué pour moi de passer à côté parce que, voilà, le travail de Legrand et Jacques Demy, même si moi, je me suis toujours défendu d'avoir... On n'a pas du tout fait la même chose avec Christophe, mais évidemment que s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas fait... J'ai Christophe Honoré, avec qui j'ai fait des films. On n'aurait sans doute pas fait ces films-là, qui sont des films avec des chansons. Donc Legrand, Delerue, et puis Morricone. Et puis, moi, j'aime beaucoup, parce que moi, j'aime les couples de cinéastes et de compositeurs. Le travail qu'ont mené Lynch et Badalamenti ou Danny Elfman et Tim Burton, ça me plaît beaucoup. Ouais. Ça me plaît parce qu'il y a une continuité. Ce qui me plaît, c'est d'observer comment tout ça évolue. Comment devient-on le musicien attitré ou presque d'un réalisateur, Christophe Honoré en l'occurrence? D'abord parce qu'on était amis à la base, donc tout ça est un gros piston au départ. Et puis ensuite, en essayant de ne pas le décevoir, je crois que le secret d'une collaboration qui continue, c'est que moi, j'ai jamais demandé à Christophe Honoré de faire ses musiques de films. C'est toujours lui qui m'a demandé, quand il avait besoin de musique originale, de les faire. Et même s'il ne m'en a jamais fait vraiment le compliment, je crois que c'est parce qu'il était satisfait du travail que j'avais rendu sur le film précédent. C'est ça, en fait. Hein, c'est aussi bête que ça. Et d'après vous, que vous êtes-vous apporté mutuellement? Moi, je crois que je lui ai apporté mes chansons, parce que c'est ce qui s'est passé avec les chansons d'amour, qui est peut-être le film par lequel Christophe existait déjà très fort avant, mais c'est peut-être le film par lequel il a... pas explosé, j'aime pas le terme, mais on l'a... Enfin voilà, c'est le film qui est sélectionné à Cannes, qui a une espèce de petit statut de film culte, comme ça c'est peut-être le film dont les gens se rappellent le plus de lui. Et puis moi, il m'a apporté... Moi, il a sauvé ma carrière de chanteur, tout simplement. Enfin, c'est-à-dire que j'avais sorti un premier album en 2005. Quand les chansons d'amour sont sorties, qui reprenaient des chansons de ce premier album, elles ont mis ces chansons en avant, elles leur ont donné une deuxième vie alors qu'elles étaient amenées à disparaître. Un premier album qui marche pas, il y en a plein les poubelles. Hein. Et que moi, ça a sauvé ma carrière de chanteur, ouais. J'aurais sans doute pas continué sans ça. Même soleil d'hiver, même bruit de brindilles, le bout des doigts glacés, le givre sur les grilles, même odeur d'humus, la terre qui se terre, tout y sera, tout y sera, à part toi. Part de la pépinière, fin de semaine, encore une heure. Encore une heure de jour et la nuit vient. Même température, le mercure à zéro, même mélancolie faux au portillon du zoo, même parents pressés, leurs enfants en manteau, tout y sera, tout y sera. Pépinière, fin de semaine. Encore une heure à peine. Encore une heure de jour et la nuit vient. J'aurais beau décalquer, refaire les mêmes parcours, reprendre les mêmes allées aux mêmes heures du jour. J'aurais beau être la même, j'aurais beau être belle. Tout y sera, tout y sera, à part toi. Parc de la pépinière, fin de semaine. Encore une heure à peine. Encore une heure de jour, et la nuit vient, et puis rien. Nous venons d'entendre un titre du film Les chansons d'amour, interprété par Chiara Mastroianni. Les chansons d'amour, sélection officielle à Cannes, c'est sans doute un moment important, vous l'avez dit, dans le parcours de Christophe Honoré, mais aussi un moment important pour vous, qui recevez un César pour cette musique. Mmh. C'était en 2007-2008, donc qu'est-ce que ça a changé pour vous, à part que ça ait permis votre carrière de... Ça a sauvé ma carrière de chanteur, c'est grâce à ça que la maison de disques que j'avais à l'époque a accepté de faire un deuxième album, parce qu'il était très mal engagé. Et dans votre travail, C'est compliqué à dire ça à peu près, parce que les chansons d'amour, on a fait ça dans une telle inconscience. Vous parliez tout à l'heure des succès qui arrivent sans qu'on les ait prévus. On a vraiment fait ça dans un état d'inconscience très joyeux. Quelque chose de très euphorique, je me rappelle, à l'époque, de très rapide. On a dû enregistrer les chansons en une semaine. Vraiment, réellement. Et si je ne me trompe pas, c'était des chansons qui étaient construites, enfin, le film était construit sur, à partir de certaines chansons préexistantes. De chansons qui de votre premier album, Garçon d'honneur. Dans mon premier album, dans Garçon d'honneur, qui était sorti en 2005, deux ans avant, et qui avait connu un succès tout à fait limité. et qui racontait une histoire de deuil, d'ailleurs, voilà, pourquoi s'en cacher. Et donc, qui est une histoire qui est racontée dans les chansons d'amour. Et... je sais pas ce que ça a changé. Simplement, j'ai pu faire un deuxième album. Et vous savez, pour un chanteur, le fait de faire un deuxième album, c'est de se dire, bon, ça y est. Maintenant, c'est parti. Si j'en ai fait un deuxième, je vais peut-être pouvoir continuer. Et là, j'en suis au sixième. Et non, tout simplement, ça a réenclenché ma carrière, ouais, de chanteur. Je crois que ça l'a sauvé. Donc, c'est déjà pas rien. C'est déjà ça, quoi. C'est déjà pas mal. Et comment se passe votre collaboration? Comment s'organise le travail avec Christophe Honoré? Ça dépend. Quand il s'agit de films où il y a des chansons, tout est préenregistré, donc tout préexiste, donc le travail se fait en amont. Quand il s'agit de films où il veut de la musique instrumentale, moi j'ai besoin des images en fait. Je suis un très mauvais lecteur de scénario. À la lecture de scénario, j'ai beaucoup de mal à appréhender ce que va être le film. Et donc, moi j'ai mis du temps à comprendre comment on faisait de la musique de film. Première musique de film que j'ai faite, je les faisais avec un groupe qui s'appelait Lily Margot, qui ont aussi produit mon premier album. Et donc les deux, trois premières musiques de film que j'ai faites, dont une pour Christophe Honoré, c'était avec eux, donc c'était un vrai travail à trois. Quand je me suis retrouvé tout seul, j'ai mis du temps à trouver mes marques, à savoir comment réellement moi, qui j'étais comme compositeur de musique de film et comment je pouvais faire. Et ce que j'ai pu constater, c'est que j'avais besoin, quand je faisais de la musique instrumentale, de l'image et du rythme du montage. Et après, c'est un ping-pong, tout simplement. Après, je propose, sur un montage donné, une musique, et puis on me dit, ah ben non, mais alors du coup, on va changer le montage en fonction de ta musique, mais toi, change ça. Puis après, ça devient du... C'est compliqué à théoriser, parce que c'est du faire, en fait, tout ça. C'est souvent, on demande comme ça aux musiciens, aux chanteurs, d'expliquer comment ils font, et ben on fait en faisant, en fait. Moi, il faut que je sois devant mon piano avec un écran, et puis un logiciel, et puis là, j'y arrive, mais c'est des choses que j'ai apprises au fur et à mesure des années, quoi. C'est de l'ordre de... C'est vraiment expérimental de faire ça. Quand vous rencontrez Christophe Honoré, vous n'êtes pas encore embarqué dans la musique, dans la chanson. Étiez-vous encore étudiant à Sciences Po? Oui, je l'ai rencontré. Je l'ai même rencontré. Je crois que la première fois que j'ai vu Christophe, j'étais lycéen. Il a 4 ans de plus que moi, donc je devais avoir 17 ans, lui devait en avoir 21, ouais. Et ensuite, bien sûr, j'étais étudiant à Sciences Po, et puis voilà, enfin, il a suivi mes études, enfin, il les a pas suivies, mais il se trouve que moi, je suis arrivé à Paris en 92, lui en 94. Et moi, je suis parti à Nancy. Donc, en 95, on s'est retrouvés à Paris. En gros, on était tous là. Il y avait Isabelle Monin aussi qui était là. Enfin, voilà. Et on était une espèce de petite bande assez joyeuse. Et au milieu de cette petite bande, il y avait Christophe Honoré qui voulait être romancier, qui voulait être réalisateur et qui n'avait absolument... Il devait en avoir intérieurement, mais en tout cas, qui ne laissait paraître absolument aucun doute. Et pour nous, il ne faisait aucun doute qu'il allait réussir. Et donc ça, de voir quelqu'un comme ça, moi, ça a pu lever quelques inhibitions chez moi, bien sûr. Et pourquoi ces études en sciences politiques ? À l'époque, j'avais une amoureuse qui s'appelait Aude, et tous les deux, on avait le désir très fort d'habiter ensemble et de fuir nos parents. Et donc, il a fallu qu'on leur vende des études qu'on pouvait pas faire à Besançon où on habitait chez eux. Et donc, voilà, cagne hypocagne à Besançon, on peut, une fac de droit, on peut, une fac d'histoire, on peut, Sciences Po, on peut pas. Et donc voilà, on a fait Sciences Po pour cette très noble raison. Et ensuite, comme il payait un appartement, et bien sûr, on est allé au bout et on a été diplômé de Sciences Po et tout ça. Mais moi, ça m'a beaucoup ennuyé. Je dis que ça m'a beaucoup ennuyé. Ça m'a aussi appris des choses. Il y a des choses que j'ai aimées dans Sciences Po. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé des choses que j'ai apprises. Mais globalement, à l'école ou dans mes études, moi, je me suis beaucoup ennuyé. Savoir que vous êtes passé par Sciences Po rend moins surprenant de voir figurer dans votre nuit rêvée le nom d'un homme politique dont on peut s'étonner qu'il soit cité par quelqu'un de votre génération. Il y a certes eu des Giscardiens, des Mitterrandiens et des Chiraciens, mais dans la chanson, on se réclame plus volontiers de Che Guevara ou Nelson Mandela que de Pierre Mendès France. Pourquoi Pierre Mendès France dans votre programme Alex Baupin ? Mais je vous disais tout à l'heure que j'étais un social-démocrate et que j'étais pas un radical, mais c'est le cas. Je crois que j'étais rocardien à 15 ans. Vous imaginez la déprime, quoi. Pierre Mendès France, je l'ai bien sûr découvert principalement pendant mes études, donc dont on parlait là, les études de Sciences Po, quand on faisait de l'histoire à Sciences Po. Et puis je l'ai découvert aussi dans le film d'Ophuls, Le Chagrin à la Pitié, où on le voit témoigner de son attitude extrêmement courageuse pendant l'occupation. Et puis après, par des images d'archives, et puis voilà. Et c'est un type qui m'a toujours impressionné par... comment dire, il y a une espèce de stature d'homme d'État chez ces gens-là, une espèce de hauteur de vue, voilà, c'est ça que je cherche, une hauteur de vue qui est très très rare aujourd'hui. Et votre archive là, qui dure une heure et qui relate, c'est drôle parce qu'il y a tous les témoins, alors on entend Maurice Schumann, on entend Laniel, on entend René Pleven, enfin on entend... Ça fait vraiment très vieux de citer ces noms comme si c'était des footballeurs Panini, mais pour moi c'est des gens qui ont habité les livres que je lisais quand j'étais à Sciences Po, donc c'était marrant d'entendre leur voix là tout d'un coup. Là ça relate son expérience de gouvernement 54-55, pendant laquelle l'indépendance indochinoise se fait, et il suffit de l'entendre pour voir à quel point c'est pas du passéisme, hein, ça j'espère que c'est pas du passéisme, mais pour voir à quel point ce type-là, déjà dans son époque, avait une hauteur de vue que les autres n'avaient pas. Il va être alors, et encore une fois, c'est pas du passé, c'est dû à ce personnage-là. Je dis pas que ce qui va être remplacé par un type qui s'appelle Edgar Faure. On l'entend pas Edgar Faure, mais Edgar Faure, je me rappelle que dans un livre d'histoire qu'on avait, il était systématiquement affublé de l'adjectif l'habile Edgar Faure. Et l'habile Edgar Faure, ça voulait dire le type qui retourne sa veste tout le temps en fonction des coalitions de la quatrième, quoi. Et donc voilà, ce qui Mendès France, le truc qui m'impressionne chez lui, c'est cette volonté qu'on sent totalement honnête chez lui d'œuvrer pour le bien public. Et à part peut-être Léon Blum avant, lui, Rocard à un moment donné, des gens de gauche, hein, mais ça c'est parce que c'était ma sensibilité, il y en a sans doute à droite, mais ils sont moins, ils ont été moins importants pour moi. Voilà, à part ces gens-là, je trouve que c'est rare de croiser des gens comme ça. Peut-être qu'on les croise plus, dans les municipalités ou dans des députations et qu'on les connaît moins. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'aime chez ce type-là. À propos de Pierre Mendès France, l'un des témoins interrogés dans l'archive que nous entendrons parle d'un style et d'une solitude. Oui, sans doute. Oui, bien sûr, évidemment. Enfin, je parlais de Rocard, enfin, c'est la même chose, quoi. C'est les types qui ne deviendront jamais président de la République à partir du moment où la cinquième arrive, quoi. Parce que c'est des gens qui continuent à considérer que le monde est complexe et que les réponses qu'on leur apporte ne sont pas simplistes. Et c'est compliqué d'expliquer ça, et ça devient peut-être de plus en plus compliqué parce que l'époque est à la rapidité, l'époque est au slogan. Enfin, elle le deviendra en tout cas dans les années 70 avec la réclame et puis de plus en plus. Et que voilà, les gens qui apportent des réponses simples à des questions complexes, on sait de quel côté ils se positionnent. Ils sont aux extrêmes généralement. Et donc des gens qui sont des réformistes, qui sont des gens qui pensent encore qu'il y a une manière douce de faire le bien et de réformer la société et que les choses sont plus complexes qu'on imagine, ils ont du mal à être élus. Voilà. Et c'est là où il y a une vraie solitude de ces gens-là, je pense. Quand ils tiennent cette ligne jusqu'au bout. Durant toute sa vie, avant-guerre comme après-guerre, pendant l'occupation évidemment, Pierre Mendès France a été la cible d'attaques, de calomnies et d'insultes antisémites. Nous sommes en 2008, Alex Baupin, et on aimerait pouvoir dire qu'on en a fini avec l'antisémitisme, mais non. Non, pas du tout. C'est terrible. Moi, j'aimais bien la phrase de Chaplin qu'avait fait le dictateur au moment du dictateur. Un journaliste antisémite, probablement, lui demande s'il est juif. Et Chaplin aurait répondu « Non, je n'ai pas cet honneur ». Et je trouve que c'est une façon très belle de... Voilà, cette idée de se sentir juif quand les juifs sont attaqués, je trouvais que c'était une façon extrêmement belle de répondre. On pourrait répondre ça quand on nous demande si on est homosexuel ou plein de choses d'ailleurs, mais je trouvais ça, voilà. Et non seulement on n'en a pas fini en 2020, mais en plus j'ai l'impression qu'il y a une vraie recrudescence. Alors, est-ce que c'est une recrudescence parce qu'on l'entend plus, parce qu'il y a plus de moyens d'expression de cet antisémitisme-là, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une réelle recrudescence, je n'en sais rien. Mais je trouve ça terrifiant, le fait qu'on n'apprenne rien, pardon, je vais dire des banalités, mais le fait qu'on n'apprenne rien de l'expérience du XXe siècle et de la Shoah, par exemple, je trouve que c'est quelque chose d'absolument terrifiant et qui me fait penser que cette fin du monde, finalement, est quelque chose d'assez logique. Politiquement, vous avouez, donc vous l'avez dit tout à l'heure, qu'un penchant naturel vous porte à la modération. Vous vous présentez comme un social-démocrate mou. social-démocrate et mou, ça ne fait pas tout de même un peu beaucoup? Si, c'est pléonastique. Non, c'est, je rajoute mou pour avoir un peu d'ironie et pour être un peu rigolo, mais en réalité, c'est totalement pléonastique, vous avez raison. Mais je crois que j'ai vraiment toujours été du côté de la social-démocratie, quoi. Et la social-démocratie, c'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui, par exemple. Longtemps, le macronisme a essayé de se faire passer pour une forme de social-démocratie, c'est très clairement un gouvernement de droite, ça n'a rien à voir. Ouais, moi j'ai été très heureux sous Jospin, c'est terrible de dire ça aujourd'hui, mais d'avoir la nostalgie de 97-2002, voilà, mais... Et après, je suis persuadé que ce camp-là, c'est vraiment le camp des occasions manquées, du coup. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est les second couteau, c'est les types qui y arrivent pas, c'est les types qui ont pas assez de... Et moi, c'est moi qui ai beaucoup écouté Souchon, des gens comme ça, il y a quelque chose dans la social-démocratie qui est de l'ordre du... Voilà, du type qui est pas assez lagnac, qui a pas assez... Ça manque de compétitivité, la social-démocratie, et moi, ça m'émeut, ça. Vous n'êtes pas Jean Ferrat, mais certaines de vos chansons ont une dimension politique ou idéologique. Il y a eu au départ, aussi en quarantaine, et récemment, Cours camarade, reprenant le célèbre slogan de 68, Cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Qu'est-ce qui vous fait écrire une chanson comme celle-ci? Une occasion, en l'occurrence, c'était les 50 ans de mai 68, et c'est France Inter, vous voyez, c'est Radio France, qui faisait une émission avec des auteurs, compositeurs, interprètes, et leur avait demandé de s'emparer d'un slogan pour écrire une chanson. Alors, après, moi, c'est pas pourquoi j'écris cette chanson-là et que je raconte ça là-dedans. C'est quand même une chanson dans laquelle je raconte, encore une fois, la désillusion. Mais alors, on a cru que j'égratignais. C'est vrai que je peux égratigner un peu parce qu'il y a certaines personnalités de 68 qu'on retrouve à des endroits qui, à mon sens, sont très étonnants. Voilà. Principalement autour de Macron, notamment. Et des fois, je suis plus Mordillac que Romain Goupil, vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Mais après, il reste quand même beaucoup de tendresse chez moi pour cette génération-là. Voilà. Il n'y a pas de, on dit que j'égratigne et tout ça, mais c'est pas ça, en fait. Moi, je comprends que des gens qui rêvaient si fort, tombent aussi bas, quoi. C'est peut-être pour ça que je suis social-démocrate. Mou. Mais non, mais parce que ça permet de, voilà, quand on vise pas très haut, on tombe pas très haut non plus, donc ça fait moins mal, peut-être parce que j'ai peur de souffrir. Moi, je pense que c'est une génération qui a vu, beaucoup de choses s'effondrer. Et beaucoup d'idéaux s'effondrer, que ça doit être terrible quand ça arrive. Nous, on est arrivés, tout était déjà foutu, donc c'est plus facile quelque part. Vous vous êtes tenu à bonne distance du compagnonnage avec les hommes et femmes politiques de gauche, puisque c'est tout de même nettement de ce côté que vous penchez. Chanter sur leurs estrades, ce n'est pas votre truc? Non, Alex Baupin. J'ai toujours considéré que c'était pas la place des chansons. Puis chanter quoi? Parce que l'occasion de chanter sur leurs estrades, c'est à l'occasion de victoire. Moi, avec mes chansons à faire tomber la pluie, enfin, voilà, mieux vaut qu'il fasse chanter Yannick Noah, qui a quand même des trucs un peu plus festifs, quoi. Et non, moi, je trouve que, après, je me suis formé une espèce de petite éthique personnelle. J'ai toujours considéré que ce que je faisais précédemment comme citoyen public, par exemple, aller à des meetings pendant les présidentielles, j'allais pas me l'interdire quand je devenais un chanteur pas connu, mais que trois personnes pouvaient reconnaître dans une foule de 10 000, disons. Voilà, je trouve que... Voilà, et que je n'allais pas m'interdire de dire où je votais, sous prétexte que... parce que moi, j'aime bien quand les gens nous disent de quel côté ils sont et quelles sont leurs valeurs, et je trouve qu'on le fait de moins en moins, et que peut-être à part un type comme Biolay, dans ma génération, je vois peu de gens qui parlent de politique, vraiment. Et je trouve ça dommage, parce que c'est pas honteux. Mais on a peur parce que forcément, on se coupe de 50% de la population, hein, c'est le principe. Quand vous reprenez On avance d'Alain Souchon, avez-vous le sentiment de chanter une chanson politique? Oui, Alain Souchon, c'est infiniment politique, bien sûr. Mais c'est la chanson politique comme je la conçois, moi, c'est de l'ordre de la chronique. En réalité, je pense que mes chansons sont plus des chroniques que des chansons engagées. Il n'en reste pas moins que dans une chronique, qu'elle soit écrite par Alain Souchon très bien ou par moi moins bien, on entend toujours dedans un point de vue. Et c'est ça qui est intéressant. Au bout du compte, faut-il comprendre qu'en politique, Alex Baupin, vous seriez plutôt un partisan de la chanson douce? Ah oui, totalement. Ah oui, moi, les grandes prises de position... Enfin, mais parce que j'aime pas les gens sur deux. Enfin, la certitude m'a toujours fait... J'ai toujours considéré que la certitude était très très proche de l'imbécilité. Voilà. Et donc, des gens qui nous affirment des choses sur des rythmes binaires et un peu rock et tout, des slogans politiques, ça m'a toujours... au minimum fait rire, au maximum terrifié, quoi. Merci Alex Baupin. Nous nous retrouverons dans un peu moins de 3 heures, juste avant la fin de votre nuit rêvée. Après avoir écouté La Belle Ouvrage avec Franquin au micro de Pierre Dubois en 1973 sur Nord Picardie, Boy Meets Girl de Léos Carax, un numéro du cinéma des cinéastes de Claude Jean-Philippe en 1984, Maurice Pialat pour son film L'Enfance Nue dans Connaître le cinéma de Philippe Hainaut et Jean Mitry en 1969, et l'expérience Mendès France, juin 1954, février 1955, 7e émission de la série Chronique politique de la 4e République, La vie intérieure d'une République 1945-1958, proposée par Dominique Chagnelot et Cécile Borderie en 1987. Alex Baupin, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.